bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. La manifestation de rue serait-elle le spectacle ultime, le spectacle total, celui qui mobilise tous nos sens? Le corps est en mouvement, les jambes s'activent et parfois le poing élevé. Sous nos yeux, des couleurs, des pancartes, des banderoles. C'est beau, une manif. Sur l'air des lampions, les slogans sont repris en chœur, tout comme les chansons crachées par les sonorisations surpuissantes des chars syndicaux. Ah oui, c'est bruyant, une manif. La gastronomie n'est pas en reste, nos papilles sont titillées par le goût des merguez, et oui, autres grillades, qui, dans le même temps, amusent notre odorat. Mais parfois, l'odeur est celle des gaz lacrymogènes, et le toucher est celui des matraques ou des armes létales. Alors, le manifestant voit rouge, le goût est amer quand notre sixième sens nous dit qu'il faut quitter la manif. Ainsi, la manifestation de rue serait-elle le spectacle total, celui qui mobilise tous nos sens? Espérons seulement que le clou du spectacle n'est pas celui des chaussettes à clous, celles chantées par Boris Vian, ces souliers ferrés utilisés par les gendarmes. Oui, comment tenir la rue quand le pavé est battu? Nous en parlons dans le cours de l'histoire avec Daniel Tartakovsky. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, le peuple et sa police, je t'aime, moi non plus, des émissions à réécouter en ligne sur le site internet, le cours de l'histoire, franceculture.fr ou bien en balado diffusion, la police au siècle des Lumières, la police qui devient républicaine à la fin du 19e siècle, et aujourd'hui, comment tenir la rue quand le pavé est battu. Avec vous, Daniel Tartakovsky, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, ancienne présidente de l'Université Paris 8, vous êtes spécialiste des mouvements sociaux, il n'y a qu'à regarder votre bibliographie, Le pouvoir est dans la rue, crise politique et manifestation en France, un livre qui va être réédité là. Hein. Oui, réédité incessamment, c'est chiant. D'accord, manifesté à Paris 1880-2010. Tous vos ouvrages sont énormément d'actualité. Vous en avez un qui va sortir augmenté. Hein, c'est l'état décortiqué de la détricoté de la résistance. c'est joli lapsus de la résistance à la République en marche. Donc vous avez tiré encore le fil pour aller jusqu'à mon collègue Michel Margueras. Voilà, pour aller jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi cet état détricoté? C'est l'état social, bien sûr. C'est l'état social, mais en même temps, c'est un petit peu un titre trompeur. Et ça va nous ramener au sujet, puisque nous voulons montrer que si l'état social est détricoté et chaque jour davantage, ça ne signifie pas que l'état en tant que tel disparaisse ou s'affaiblisse. Et il y a beaucoup de pages qui sont consacrées au renforcement de l'état sécuritaire. Voilà, l'état est toujours présent. C'est plus exactement cet état qui est né du Front populaire, du Conseil national de la résistance, et puis qui avait perduré, qui avait été construit. C'est une lecture que vous faites hein, depuis les années 1980, ce détricotage. Oui, nous essayons de montrer comment ça s'inscrit dans une longue durée, ce qui ne signifie pas que la droite égale la gauche et que bonnet blanc, blanc bonnet. Hein, nous montrons qu'il y a indéniablement, notamment sur le plan sociétal, des différences entre les gouvernements de gauche et les gouvernements de droite. Mais il y a une révolution culturelle libérale qui s'est opérée de l'initiative d'un président socialiste en 1982 et qui n'en finit plus de produire ses effets. Daniel Tartakovsky, je vous propose de commencer cette émission en ouvrant le courrier, tout simplement pour une lettre, mais pas n'importe laquelle, c'est une lettre dont la lecture est troublante, c'est la lettre du préfet de police Maurice Grimaud, une lettre du 29 mai 1968, donc mai 68, nous voyons très bien le contexte, elle nous est lue ce matin par Olivier Martineau. Je m'adresse aujourd'hui à toute la maison. Je veux leur parler d'un sujet que nous n'avons pas le droit de passer sous silence. C'est celui des excès dans l'emploi de la force. Si nous ne nous expliquons pas très clairement et très franchement sur ce point, nous gagnerons peut-être la bataille dans la rue, mais nous perdrons quelque chose de beaucoup plus précieux et à quoi vous tenez comme moi, c'est notre réputation. Je sais, pour en avoir parlé avec beaucoup d'entre vous, que dans votre immense majorité, vous condamnez certaines méthodes. Je sais aussi, et vous le savez avec moi, que des faits se sont produits que personne ne peut accepter. Bien entendu, il est déplorable que trop souvent la presse fasse le procès de la police, en citant ces faits séparés de leur contexte, et ne dise pas dans le même temps tout ce que la même police a subi d'outrage et de coups, en gardant son calme et en faisant simplement son devoir. Mais frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même, en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. Il est encore plus grave de frapper des manifestants après arrestation et lorsqu'ils sont conduits dans des locaux de police pour y être interrogés. Je sais que ce que je dis là sera mal interprété par certains, mais je sais que j'ai raison et qu'au fond de vous-même, vous le reconnaissez. Dites-vous bien et répétez-le autour de vous. Toutes les fois qu'une violence illégitime est commise contre un manifestant, ce sont des dizaines de ses camarades qui souhaitent le venger. Cette escalade n'a pas de limite. Dites-vous aussi que lorsque vous donnez la preuve de votre sang-froid et de votre courage, ceux qui sont en face de vous sont obligés de vous admirer, même s'ils ne le disent pas. Nous nous souviendrons pour terminer qu'être policier n'est pas un métier comme les autres. Quand on l'a choisi, on en a accepté les dures exigences, mais aussi la grandeur. Lettre du préfet Maurice Grimaud au policier le 29 mai 1968, lu par Olivier Martineau. Daniel Tartakovsky, votre étude sur manifester à Paris, votre regard sur ce mouvement populaire, ce mouvement dans la rue, s'étend sur la longue durée. Hein. Vous partez de la fin du 19e, du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Quand nous écoutons ce que dit le préfet Grimaud, nous avons un écho évident à ce qui se passe aujourd'hui et aux discours que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Il y a une continuité de réflexion de ce problème. Comment tenir la rue en étant républicain? Comment s'opposer à un mouvement social? Comment maintenir un mouvement social? J'imagine que ça vous parle énormément, cette lettre du préfet Grimaud. Alors, continuité de réflexion, certes, mais à partir de là, deux lectures et deux interprétations. Bon, c'est un texte dont il faudrait faire de la diffusion de masse, par les temps qui courent. On a là la définition de ce que doit être la police républicaine, telle que la France l'a initiée. Rappelons que la France a été le premier pays à se doter d'une force de l'ordre spécifiquement destinée à maintenir l'ordre dans la rue. Alors bon, c'est ce qu'on appelle la doctrine Grimaud. La doctrine Grimaud qu'on pourrait résumer également sous l'espèce d'un maintien de l'ordre négocié. On pourra y revenir. Mais n'oublions pas que Maurice Grimaud s'exprime avec d'autant plus de force. Hein, et encore une fois, je crois que ce texte... C'est vraiment beaucoup de tenue et beaucoup une forte teneur. Il succède à Maurice Papon. Maurice Papon, qui a eu une carrière que nous ne rappellerons pas ici sous Vichy, mais qui peut évidemment expliquer un certain nombre de choses. Maurice Papon, qui a été préfet en Algérie, et donc qui a effectivement des problèmes de maintien de l'ordre qui sont liés à des apprentissages ou à des mises en œuvre en situation coloniale, avec des effets. Et Maurice Papon, qui va s'illustrer à Paris, notamment par la manifestation d'octobre 61, où plusieurs centaines d'Algériens sont jetés dans la Seine, il s'agit d'une ratonnade, et par la manifestation de Charonne, où 9 militants de la CGT vont trouver la mort. Et donc je crois qu'avec Maurice Grimaud, d'un côté 68, sans mort à Paris, il y a des morts accidentelles, mais sans mort à Paris du fait de l'action des forces de l'ordre, et précédemment l'action de Maurice Papon, on a là finalement les deux figures d'un maintien de l'ordre négocié d'une part, qui privilégie le respect des individus, quitte à ce qu'il y ait des débordements ici ou là sur les bâtiments, mais on tolère une certaine forme de dégradation pour préserver l'essentiel, c'est-à-dire la vie humaine et l'intégrité du corps humain. Et puis, le maintien d'ordre qu'on qualifie de légaliste, emprunté aux États-Unis, où il s'agit de tenir la rue, quel qu'en soit le prix et quel qu'en soit le coût en termes de vie humaine, voire de blessure. Merci Daniel Tartakovsky de mettre clairement en place ces deux discours qui sont tressés en fait dans notre histoire, que l'on voit surgir à des moments, s'effacer pour l'un, surgir pour l'autre. L'histoire du maintien de la rue en France est une histoire complexe. Quand nous voyons les images des manifestations, des grèves populaires au début du XXe siècle, c'est la troupe, c'est l'armée qui est envoyée, notamment du petit soldat, du petit piou-piou. À partir de quel moment il y a une rupture, après la Première Guerre mondiale, où il y a une volonté de maintenir la rue, la manifestation autrement? Alors, je m'excuse, je vais remonter un tout petit peu en amont. Allez-y. Parce qu'il y a le traumatisme fourmi. Le deuxième 1er mai, dans cette petite ville textile du Nord qui est Fourmi, où les patrons du textile, effrayés par une manifestation de rue qui est essentiellement une manifestation de femmes, on est dans une zone textile, font appel à la troupe, et la troupe a peur parce qu'elle n'est pas habituée à ce genre de situation. Elle tire, et à Fourmi, c'est sur une gamine que le Lebel fit son premier essai. Donc il y a la mort de Maria Blondeau qui crée un traumatisme. Et alors le traumatisme va avoir des effets qui diffèrent selon qu'il y a la réflexion s'engage. Tout de suite, donc 1891, oui. Fourmi, le fusil Lebel. Alors, il y a le fusil Lebel, et puis un peu plus tard, il y a 1907, là c'est le phénomène inverse. N'oublions pas que depuis 72 en France, il y a le service militaire obligatoire, et que en plus, le cantonnement des troupes est régional. Donc on se trouve face aux siens. Et donc 1907, crosse en l'air, hein, la fraternisation, au moment des grandes manifestations des viticulteurs du Midi, et avec ces deux événements qui sont contradictoires, l'idée que ça ne convient pas. Alors, à Paris, la mutation est relativement rapide. Elle est le fait du préfet Lépine qui va faire en sorte de tenir la rue. C'est-à-dire que quand on veut photographier le 1er mai, les 1er mai à Paris, c'est à peu près les seuls grande tentative de déploiement dans l'espace public, je vais éviter le mot manifestation parce que c'est plus... Le préfet fait occuper la place de la République ou la place de la Concorde par la troupe, c'est-à-dire que quand on veut photographier la manifestation, ben on ne peut que photographier dans les cartes postales, hein, la troupe qui occupe la place de la République. Donc, les manifestants, enfin ceux qui souhaiteraient manifester, n'arrivent pas à se déployer dans l'espace public. Et évidemment, c'est plus économique en vie humaine, si je puis me permettre. À la même époque, en province, Villeneuve-Saint-Georges, Narbonne, Travail-Vigneux, il y a la litanie de ces grèves qui se soldent par des morts, parce qu'en province, on continue à faire un usage de la troupe dans les formes classiques. Et donc, la mutation... C'est 21, la guerre a eu lieu, il y a la fraternité des tranchées, on le sait bien. Donc ce qui s'est passé en 1907 pourrait bien se reproduire à plus vaste échelle, dans une situation de troubles qui suit le retour, de troubles sociaux, qui suit le retour à la paix. Et donc mise en place, d'un point de vue législatif, de gardes mobiles qui, au sein de la gendarmerie, sont spécialisés, doivent être spécialisés dans le maintien de l'ordre et donc doivent être professionnalisés à tel effet. En pratique, il faudra attendre 26-27, c'est-à-dire après une manifestation assez violente à Paris sur les Champs-Élysées pour la défense de Sacco et Vanzetti, les anarchistes italiens exécutés aux États-Unis, pour que se mettent en place ces gardes mobiles. Donc la troupe est envoyée fin 19e siècle, début du 20e siècle, avec ce risque que ces petits soldats, ces appelés qui viennent de la région, fraternisent avec les manifestants. Et vous l'avez rappelé, Daniel Tartakovsky, c'est le cas en 1907. On va en donner juste un exemple avec la chanson de Monteus, Gloire au 17e. Légitime était votre colère, le refus était un grand devoir. On ne doit pas tuer ses pères et mères pour les grands qui sont au pouvoir. Soldats, votre conscience est nette, on ne se tue pas entre Français. Refusant de rougir vos baïonnettes, petits soldats, oui, vous avez bien fait. Salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, brave Piu-Piu, chacun vous admire et vous aime. Salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Gloire au 17e régiment de ligne. Daniel Tartakovsky, la troupe risque de pactiser avec les manifestants. D'accord, nous le voyons. Et après la Première Guerre mondiale, en 1921, sont mises en place d'autres formes de maintien de l'ordre. C'est la garde républicaine mobile. Quelle est son organisation? Quelle est cette ambition à cette garde républicaine mobile? Pour moi, c'est le premier moment où on essaye de penser, dans la pratique, la manifestation comme un objet spécifique. N'oublions pas que le terme de manifestation et de manif s'est imposé parmi tant d'autres relativement tardivement. À la veille de 14 ou dans les années 20, on raisonne encore en termes d'attroupement et les autorités civiles sont en droit de demander l'intervention de l'armée sous sa forme armée ou sous sa forme garde mobile, dès lors que s'opère un attroupement, c'est-à-dire un rassemblement sur la voie publique qui n'est pas autorisé et qui est considéré comme potentiellement dangereux pour les institutions ou pour les forces en présence. Avec la garde mobile, je dirais qu'en creux, on reconnaît que ce qui se passe dans la rue, j'évite délibérément d'utiliser un mot quel qu'il soit, est d'une nature particulière qui suppose un traitement particulier. Et ça, encore une fois, la France est de ce point de vue-là pionnière. D'ailleurs, Daniel Tartakovsky, vous faites grande attention à l'utilisation du mot « rue » que vous utilisez avec majuscule ou sans majuscule. Qu'est-ce que la rue avec une majuscule et la rue sans la oui, majuscule? Oui, et puisque nous en parlons, je suis très attentive au fait que depuis 2003, nous avons eu de la part des hommes et des femmes qui nous gouvernent un retour de la rue sous la forme « ce n'est pas la rue qui gouverne ». Et quand on dit « ce n'est pas la rue qui gouverne » et qu'on n'emploie pas les termes devenus, convenus, manif ou manifestation, d'une certaine manière, on renoue avec une lecture de la foule irrationnelle et potentiellement dangereuse et il faut être attentif à cet usage du mot. C'était Jean-Pierre Raffarin. C'était Jean-Pierre Raffarin. Ce n'est pas la rue qui gouverne. Cette rue est un vecteur de crainte pour ceux qui sont au pouvoir parce qu'elle n'est pas maîtrisée. Il faut rappeler, Daniel Tartakovsky, que la manifestation n'est pas autorisée en France avant 1935. Comment se mettent en place ces manifestations? En fait, elles sont tolérées? Je ne dirais même pas. Le défilé dans l'espace public. Voilà, vous le faites bien en prenant. N'est pas reconnu comme une des libertés démocratiques qui sont garanties par les républicains au moment de leur arrivée au pouvoir dans les lois de 1881-82. Droit de réunion, mais pas de réunion dans l'espace public. Et pas de. Enfin, l'espace public doit être neutralisé, pacifié. Nous venons d'un pays qui a une histoire lourde. Donc, quand je disais que 21 est le premier moment où on essaye de penser cette chose qui n'a pas de nom, qui a des tas de noms, qui n'a pas de statut comme un objet spécifique, on en a là un symptôme. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas autorisée? La situation dépend très profondément selon qu'on est à Paris ou ailleurs. Dans toutes les villes de province, dans toutes les communes, le maire a le pouvoir de police sur sa commune et le maire est en droit d'autoriser un déploiement dans l'espace public. Je fais toujours attention à ne pas employer le mot manifestation. Quand le législateur dit ça, c'est la loi de 84, hein, c'est la loi municipale, on pense éventuellement aux processions, on pense aux cortèges traditionnels, les fêtes communales, et ce que j'appelle les manifestations appendices de grève, qui en temps normal, et sauf quand ça se complique un petit peu, il y a des morts dans les grèves, hein, mais sont le plus souvent autorisés. Les 1er mai en province sont autorisés. À Paris, il n'y a pas de maire jusqu'en 1977, nous le savons, et par conséquent, cette capacité incombe au préfet de police, c'est-à-dire au ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que si j'accepte 1909, la manifestation de protestation contre l'exécution de Francisco Ferrer, pédagogue libertaire, exécuté en Espagne, autorisé par Clémenceau, c'est un petit peu pour rôder, pour voir ce qui se passe si on aménage, si on accepte cette manifestation. En fait, il n'y a pas de manifestation autorisée dans Paris jusqu'au 12 février 1934. Oui, et ce moment-là... Jusqu'au 6 février 1934 aussi. Voilà, ces manifestations de 1934 sont essentielles et nous sommes dans une réflexion de la fin des années 1920, du début des années 1930, que l'on va retrouver évoquée par un témoin, c'est Marius Moutet, donc député puis sénateur SFIO, qui rendait hommage en 1960 à Léon Blum, son compagnon, 1960, donc 10 ans après la mort de Léon Blum. Marius Moutet. En 1928, Léon Blum était battu à Paris par la coalition de la droite et des communistes. Il revint au Parlement par Narbonne en 1929. Mais la réaction fait aussi un retour et en force. C'est Léon Blum qui supportait toutes les attaques. Herriot était raillé d'avoir besoin d'être soutenu par son cher Blum, son cher Léon Blum. Mais les événements se précipitent et ce fut le 6 février 1934 où, après la tergiversation de la CGT et des communistes, il y eut tout de même la manifestation du 12 qui marqua l'union de la classe ouvrière, des socialistes et des démocrates et fut la première manifestation du Front populaire. Marius Moutet, figure de la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, qui évoque ces manifestations de février 1934, au-delà d'admirer son sens oratoire, toujours très beau à entendre, Daniel Tartakovsky. En quoi ces manifestations de février 1934 sont un nouveau moment important pour le regard porté par le pouvoir sur ce qui se passe dans la rue ? Alors, deux choses qui ont peut-être l'air contradictoires. Dans le temps court, la manifestation des ligues d'extrême droite du 6 février 1934 va effectivement a pour effet pervers du point de vue de l'extrême droite, ces immenses manifestations du 12 février 1934, que Moutet présente dans les termes qui sont les siens, j'y reviendrai pas, c'est la première fois, si j'accepte le 1er mai 19, c'est la première fois qu'on a une grève avec manifestation, pour nous c'est banal, hein, de journée de grève et de manifestation dans la France entière. Le 6 février 34 est une journée parisienne, c'est la France qui répond. Et d'ailleurs dans la presse de province il y a un discours anti-Paris, Paris ville de droite, hein, rappelons-le, en 1934. Et donc, soyons-y attentifs, certes, la rue peut présenter des dangers. Certes, il faut tenir la rue du point de vue des forces de l'ordre, mais ce que l'on voit se mettre en place en 1934, et on le retrouvera à front renversé en 68, c'est le fait que deux manifestations en miroir, 6 février 34, la droite extra-parlementaire, 12 février 34, les forces antifascistes qui vont se constituer un peu plus tardivement, en rassemblement populaire, permettent dans ce phénomène de miroir de gérer la crise majeure, dans le cadre du régime existant. Et on le retrouvera en 68 à front renversé, puisqu'on a les barricades de la rue Gay-Lussac et la manifestation du 13 mai 68, hein, qui initie la grève générale, dans leur articulation. Bon, cette fois-ci, c'est les forces d'extrême gauche d'une part et de la gauche, des forces syndicales qui sont à l'offensive, et la manifestation gaulliste du 30 mai qui réplique. Et là, je crois qu'on a une spécificité française qu'on trouverait sans doute aussi en Argentine, mais ce rôle de la manifestation comme facteur d'équilibre politique, de gestion des crises dans le cadre du régime existant, c'est assez intéressant à souligner. Et alors le deuxième point, un peu contradictoire, 1935, donc c'est le deuxième texte qui construit l'objet manifestation, qui pour le moment continue à être un flou, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de statut. Attention, les collègues juristes insistent bien sur le fait que le décret-loi de 1935, comme du reste le texte du Conseil constitutionnel de 1997, qui donne à la manifestation un caractère quasi constitutionnel, je dirais, ne sont pas des textes de liberté. Ce sont des textes qui gère, d'un point de vue législatif, les potentiels dangers de la rue et tente de les éviter par la loi. Nous ne sommes pas dans des lois de liberté. Nous ne sommes pas dans des lois de liberté quand il y a des lois sur les manifestations. Là, on peut utiliser le mot parce que le mot rentre dans l'usage courant dès les années. Alors, on a parlé de 34, 35. Et puis, dans les grands moments de la prise de conscience de la manière de maintenir l'ordre dans la rue, il y a 1944 avec les compagnies républicaines de sécurité, donc 10 ans après les manifestations de 1934. Écoutez, Daniel Tartakovsky, je vous propose de faire un petit tour auprès d'un CRS, pas n'importe lequel, celui d'Annie Cordy, c'est mon CRS. Non mais un clin d'œil sur ce personnage entré dans la culture populaire, Annie Cordy, mon CRS. Moi j'aime galonner des compagnies républicaines de sécurité, et quand je suis entre ses bras, rien ne peut m'arriver. La terre peut bien s'écrouler. Moi j'aime galonner des compagnies républicaines de sécurité. Je n'ai pas peur car en dehors des heures de boulot, il est doux comme un agneau. C'est un garçon merveilleux, qui a les yeux presque aussi bleus que son uniforme moelleux. Quand dans ses bras je me glisse, entre les heures de service, il me dit à la police. Moi j'aime galonner des compagnies républicaines de sécurité. Je n'ai pas peur car en dehors des heures de boulot, il est doux comme un agneau. Et quand il veut m'enlacer, pour ne pas m'impressionner, il enlève son casque, son sifflet, sa matraque, son pistolet, sa visière, son bouclier, ses grenades qui me font pleurer. Moi j'aime galonner des compagnies républicaines de sécurité. Je n'ai pas peur car en dehors des heures de boulot, il est doux comme un agneau. Mais jamais il ne confond sa passion et ses fonctions. Ah là là, son CRS nous emmène également. C'est Annie Cordy dans le cours de l'histoire qui en 1977 chantait Mon CRS, le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Jordan Fuentes et avec vous, Daniel Tartakovsky. Comment tenir la rue quand le pavé est battu? Et nous traversons en fait depuis le 19e siècle les différentes tentatives et réflexions pour maintenir la rue, pour éviter les agitations. La Seconde Guerre mondiale est un moment de rupture dans le sens où les communistes arrivent au pouvoir, enfin, je veux dire juste après la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui se met en place après cette Seconde Guerre mondiale quand il y a une recomposition politique et quand des grèves marquent aussitôt après la guerre le monde politique? Oui, alors c'est intéressant de voir que les évolutions de l'armement des corps constitués en vue de maintenir l'ordre et de la législation s'articulent d'une part aux deux guerres et puis d'autre part à un certain nombre de manifestations qui obligent à des adaptations. Donc il y a la chronologie de ces adaptations serait tout à fait intéressante. À la fin 44, il y a la constitution des CRS, Compagnie républicaine de sécurité. Et là, c'est une rupture importante dans la mesure où les différents corps que nous avions étudiés, enfin, nous avons évoqués précédemment, relevaient de la gendarmerie qui relève elle-même de l'armée. Donc, il s'agissait d'une professionnalisation ad hoc. Néanmoins, on était dans le cadre de l'armée. Les CRS sont une force civile. Donc là, on franchit une étape supplémentaire dans l'adaptation, enfin dans la création de forces de l'ordre en miroir, je dirais là aussi, adaptées à cet objet tout à fait original qu'est la manifestation et qui peut dériver, mais votre introduction le montrait bien, à la fois du côté de la fête et du côté de l'émeute. Il y a toujours cette tension au sein de la manifestation. Alors, les CRS constitués en 44, c'est une des modalités de l'amalgame, si je puis dire, qui se constitue à la Libération, puisqu'on y trouve à la fois des éléments issus des groupes de réserve mobile qui avaient été créés par Vichy et qui ont eu un rôle qui n'était pas toujours des plus évidents en matière de répression et de répression des forces communes communistes, mais une partie de ces groupes de réserve mobiles ont rejoint les maquis, donc on est une partie de ces forces sont récupérables et récupérées politiquement, et d'anciens FFI. Et donc il y a un amalgame qui s'opère entre ces deux forces que l'histoire avait pour le moins séparées. Avec, vous le rappeliez, effectivement, la présence des communistes au pouvoir, mais un tournant très rapide qui s'opère dans la mesure où 47 entrées en guerre froide avec 47-48 des grèves qui sont des grèves assez inédites dans leur forme. N'oublions pas qu'on est 3 ans après la guerre et que la notion de culture de guerre en termes de violence sociale, c'est quelque chose qui existe. Et à Marseille, des compagnies de CRS où les anciens FFI, les communistes sont majoritaires, basculent du côté des grévistes. Donc le gouvernement va dissoudre toute une série de compagnies de CRS, notamment à Marseille. Et les CRS, épurés, sont utilisés fortement, si je puis dire, pour réprimer les grèves de 47 et de 48. Il y a un film tout à fait remarquable qui s'appelle La grève des mineurs, qui montre, alors c'est à peu près comme Boutet, hein, les bandes son sont toujours absolument extraordinaires dans ces films des années 50 et de guerre froide, et donc on a un bruit de bottes qui apparaît quand les CRS arrivent sur l'écran, et sur les murs des corons, au moment où les CRS arrivent, on a CRSSS. Donc le CRSSS de 68 n'est pas né en 68, il naît en 48 dans cette intervention des CRS face aux grévistes avec un certain nombre de morts non négligeables dans les grèves de 47-48. Bien justement, Daniel Tartakovsky, pour évoquer ces grèves de 1948, nous allons écouter un document. C'est un document produit par la CGT. Nous voyons bien se mettre en place une image de la police particulière, celle qui est chargée de maintenir l'ordre dans la rue. La police lance des bombes lacrymogènes importées d'Allemagne. Les mineurs aux mains nues ripostent avec ce qu'ils peuvent. Dans cette lutte inégale, ils parviennent encore à rendre coup pour coup avec ces armes improvisées. Et on trouvera des tribunaux, on trouvera des juges pour condamner ces hommes que l'on accuse d'avoir utilisé des armes à feu. Moche le menteur tente d'assassiner aussi la vérité. Mais des honnêtes gens qui ont vu les faits réagissent et protestent. Paris Presse, France Soir, France Dimanche, Libération, Combat, Délé Express, Pathé Journal. Seule la police a tiré. Courageusement, des journalistes l'affirment et le signent. Avec ce qui a été dépensé en un mois pour briser la grève des mineurs, on aurait pu donner satisfaction à leurs revendications pendant 4 ans. Et on préfère accorder 15 000 francs par mois de primes à chaque CRS que 14 300 francs par mois de minimum vital aux mineurs. Mais la colère est dans leur cœur. Et la grève continue. Et les mineurs se défendent avec acharnement contre les furieux assauts des mercenaires déchaînés. Dans ce document produit par la CGT. Alors c'est la bande-son du film que j'évoquais, il est visible sur le site de Cinéarchive. Eh bien voilà, Cinéarchive, il faut aller le voir, et dans ce document de la CGT, on entend que le ministre de l'Intérieur, Jules Moch, est appelé Moche. Moche. Au moins, voilà, c'est très clair. Daniel Tartakovsky, comment se construit le regard que les autorités portent sur le maintien de l'ordre dans la rue dans ces années 50, 60, nous sommes à un moment de tension politique très forte, d'organisation aussi de la manifestation. C'est-à-dire que les syndicats peuvent organiser les manifestations. Il y a un dialogue qui peut s'instaurer avec les autorités policières pour mettre en place des parcours. Bon, il est clair que le décret-loi de 1935 crée les conditions d'une co-construction de la manifestation. Je dis bien crée les conditions de... Parce qu'après, je ne vais pas vous dire que tout est politique, mais que néanmoins le maintien de l'ordre était éminemment politique, et que donc il y a des chronologies qui ne sont pas simplement la chronologie du droit ou la chronologie de l'organisation des forces de l'ordre, mais qui sont la chronologie politique. Et il est clair que l'entrée en guerre froide va constituer une période, il n'y a pas de droit de manifestation, il y a la possibilité de demander l'autorisation de manifester. Il y a une date qu'il faut retenir, je crois. Bon, donc on a évoqué ces grèves de guerre froide, mais il y a une date qu'il faut retenir, et il faut d'autant plus la retenir que si on prend la longue durée, et si j'accepte 1934, le 6 février 34, il y a davantage de morts à l'occasion de manifestations en province qu'à Paris, parce que à Paris, plus près de toi, mon Dieu, hein, je veux dire que la dimension stratégique et le poids du ministère de l'Intérieur et des directions des organisations politiques ou syndicales sont là. Et donc, je veux dire, quand il y a des morts à Paris, C'est pas bien. C'est pas des bavures. Ouais. Voilà. Alors, c'est quoi cette date ? Alors, qu'est-ce qui se passe en 53 ? Et on est toujours. Alors, non seulement c'est toujours la guerre froide, mais en plus, c'est une situation où la question coloniale se pose de façon forte. C'est la guerre d'Indochine hein, qui se termine en 54. Qu'est-ce qui se passe en 53 ? Ben, il se passe que. Les organisations, une organisation algérienne, de travailleurs algériens en France, décide de manifester le 1er mai 53, le 14 juillet 53, excusez-moi. Ces organisations ne sont pas en position de demander l'autorisation de manifester, mais qu'il s'agisse des Indochinois ou qu'il s'agisse des Algériens, on les retrouve en général en queue des cortèges de 1er mai, protégés par le service d'ordre de la CGT. Comme il y a des contradictions qui sont en train de se développer entre le MLN algérien et les syndicats français, et en 52 et en 53, ils choisissent de défiler en dehors du service d'ordre de la CGT, donc il n'y a pas de négociation qui s'opère. Le cortège de la CGT, donc jusqu'en 53, il y a des cortèges populaires de 14 juillet l'après-midi, hein, après ça dit. Le cortège de la CGT arrive place de la Nation, se disperse. Il y a un petit espace entre la fin du cortège CGT et le cortège des travailleurs algériens, et quand ils arrivent sur la place de la Nation, la police tire. Le service d'ordre de la CGT se retourne pour essayer de les protéger, donc il y aura 6 morts algériens et 1 mort dans le service d'ordre de la CGT, ça fait 7 morts à Paris, je répète, 7 morts, c'est pas une bavure. Et c'est la guerre avant la guerre. Oui. C'est la guerre avant la guerre, et ça veut dire qu'après 53 et jusqu'au 1er mai 68, les cortèges de 1er mai à Paris ne sont ni demandés ni autorisés, parce que s'ils étaient demandés, ils ne seraient pas autorisés. Et en 68, la CGT placarde des affiches en appelant à aller dans la rue, et donc le préfet les convoque en disant bon, organisons-nous. Oui, discutons. Daniel Tartakovsky, dans cette période que vous évoquez de 1953 à 1968, il y a deux manifestations marquantes et qui sont restées dans les mémoires ou qu'il a fallu faire ressurgir dans les mémoires, ce sont celles de 1961 et de 1962. Enfin, en tout cas, c'est la manifestation mortelle au métro de Charonne en 62 et puis la répression violente, vous avez utilisé le mot ratonnade, en 1961. Là, nous sommes sur un type de manifestation. En 1968, alors celle-là, vraiment, c'est la manifestation phare dans l'imaginaire populaire. Il y a déjà une rupture entre début des années 60, Papon, et fin des années 60 avec un autre mode de fonctionnement. Je voudrais revenir un tout petit peu sur 61-62, parce qu'un jour, dans une discussion dans le cadre de ce qui s'appelait à l'époque l'IESI, l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure, nous avions un débat avec quelques collègues et des hauts cadres de la police sur le maintien de l'ordre. Un collègue disait plus ça va, mieux ça va, et moi je disais oui, mais d'accord, mais à condition, dans votre courbe, vous avez supprimé 61 et 62, alors évidemment ça facilite la discussion. Et à ce moment-là, un des hauts cadres qui était là m'a dit, Madame Tartakovsky, je suis en total désaccord avec vous, parce que oui, bon, Charonne, il s'est passé des choses qui n'auraient pas dû se passer. Mais octobre 61, c'est pas moi qui parle, hein, c'est mon interlocuteur. Octobre 61, ça n'est pas une manifestation de rue, c'est une opération de guerre du FLN dans les rues de Paris. Donc, une manifestation n'est manifestation qu'à la condition que toutes les forces en présence considèrent que c'est une manifestation. Et la définition reste toujours essentielle et le regard porté sur le moment est très important. Et nous arrivons en 1968, évidemment, 1968, moment fort sur la réflexion sur le maintien de l'ordre dans la rue. Je vous propose, Daniel Tartakovsky, et puis à tout le monde aussi, d'écouter un bricolage sonore et magique réalisé par Milena Eli, qui s'est emparée des archives de 1968 pour nous donner une évocation de ce moment très particulier. Dans certains cas, il faut savoir désobéir. et savoir aussi fabriquer des bombes en chambre. Je vais vous faire voir un cocktail Molotov. Les étudiants attaquent à coups de pavé et les policiers répliquent avec des grenades lacrymogènes. On ne peut plus respirer ici. Attention, attention François, il y a un pavé. Et effectivement, les forces de l'ordre, qui sont le symbole de la violence de notre société, qui imposent la violence, obligent les manifestants, pour se défendre, à se défendre avec une certaine violence, pour ne pas se faire massacrer. De quoi souffre-t-il? Eh bien, il souffre d'abord de brûlures oculaires avant tout, et quelquefois de cécité, de brûlures respiratoires avec suffocation. Et on a vu une main entièrement coupée, et un ou deux comas. Un policier qu'on emmenait, qu'on traînait, qui avait la figure en sang. La pègre qui est en train de sortir du fond même des pavés de Paris. Et puis il y a les anarchistes. Pour l'instant, il est clair que le gouvernement a le choix entre massacrer les professeurs et la jeunesse universitaire ou faire retirer immédiatement ses flics. Aïe la vache, pousse-toi. Je ne sais pas, je ne vois pas si un service d'ordre peut contenir ce qui se passe. Les manifestants ne pouvant se retirer, ou c'est le massacre et il sera pire qu'à Charonne où la police s'arrête. Run, run, run, run, run, gypsy death in you. Une réalisation de Milena Helig pour évoquer cette période de mai 1968. Ce qui s'est passé a marqué évidemment mai 68 et j'ai envie de dire marque encore Daniel Tarkakovsky. La manière de gérer l'ordre public dans la rue au moment du mouvement populaire, de la manifestation, change après mai 68. Oui, alors ça change, elle change profondément. Les forces de l'ordre s'adaptent. Elles s'adaptent en matière d'armement, elles s'adaptent, l'armement, on y reviendra après, en matière de véhicules, en matière de protection des forces de l'ordre avec des boucliers. Il y a la création du centre de formation de Saint-Astier pour la gendarmerie mobile en Dordogne, où on rejoue des manifestations pour essayer de prévoir. La notion de prévision est très importante quand on discute avec les forces qui sont chargées de ces questions. Le renseignement et la prévision permet précisément d'éviter le pire. Enfin, dans les conceptions qui prévalent années 70, enfin jusqu'aux années 90, parce qu'après, les choses se modifient quelque peu. Et de la part des manifestants, on a un phénomène permanent d'adaptation des uns aux autres. Mais c'est clair que 68, du point de vue de l'équipement, et jusqu'en 2005, où on va voir apparaître l'usage d'armes qui, pour ne pas être létales, produisent néanmoins des effets létaux, avec les grenades de désencerclement et les LBD, qui s'amorcent en 2005, et puis dont on connaît les effets redoutables ces derniers temps. 68 marque effectivement un moment tournant. Daniel Tarkakovsky, la volonté en fait est de garder les manifestants dans un cadre sans qu'il y ait de confrontation pendant vraiment toutes ces années 70-80. Aujourd'hui, nous le voyons, il y a un questionnement populaire autour de la manière de maintenir l'ordre dans la rue. Vous, historienne de ces mouvements dans la rue manifestés à Paris, le pouvoir est dans la rue, ça c'est le titre de vos ouvrages. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe aujourd'hui quand vous voyez sur les réseaux sociaux ou ailleurs ou aux actualités ces images difficiles à regarder? Ben, c'est pas seulement mon regard à moi, hein. C'est aussi celui de la Commission européenne des droits de l'homme, c'est aussi celui de l'ONU, qui a considéré que la France faisait un usage disproportionné de la force via ces grenades, dont on a vu les effets. C'est de l'inédit en France, c'est de l'inédit en France. Bon. Et c'est d'autant plus... je dirais que le tournant, c'est Nicolas Sarkozy il y a le Karcher, hein, mais quand Nicolas Sarkozy dit il faut développer une politique qui va impressionner les voyous. Bon, on est tout à fait dans le vocabulaire dont Nicolas Sarkozy a le secret. Impressionner les voyous, ça veut dire qu'on sort d'une politique de mise à distance, où il s'agissait de contenir le collectif pour s'engager dans une politique de rapprochement où on va frapper les uns pour terroriser les autres. Et là, je dirais que c'est la situation actuelle. Je citais la formule de Nicolas Sarkozy parce qu'on a l'amorce d'un renversement politique, mais c'est bien aujourd'hui, et face aux Gilets jaunes et face aux manifestations sur les retraites, qu'on a vu se développer ce renversement. Alors, renversement d'autant plus surprenant que mes collègues politistes et sociologues qui ont travaillé sur le maintien de l'ordre contemporain et notamment dans des formes comparatives, montrent que dans tous les pays d'Europe occidentale, et notamment en Allemagne et en Belgique, on a précisément redéfini des politiques de maintien de l'ordre qui étaient beaucoup moins avancées en d'autres temps que l'était la France, en donnant le primat à la mise à distance et le primat à la médiation. Avec des résultats effectifs, parce que sinon on pourrait dire des mots, rien que des mots. Non, il nous montre bien que dans ces deux pays, ça se passe mieux. Et donc c'est absolument ahurissant, et donc c'est bien politique, je le disais, on n'est pas dans de la technique, c'est bien un choix politique, hein. Bon, impressionner les voyous, reprenons l'homme et donnons-lui un caractère plus large, je répète que ça n'est pas moi qui parle, hein. Il s'agit de frapper les uns pour terroriser les autres, on a une politique qui est à contre-temps, à contre-champ de tout ce qui se passe en Europe occidentale. Voilà, et qui reprend un discours ancien, j'ai envie de dire, une conception différente, mais avec des moyens nouveaux. Merci beaucoup, Daniel Tartakovsky. Le pouvoir est dans la rue, crise politique et manifestation en France. Il est l'heure, dans le journal de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et toutes. Alors ce matin dans le journal de l'histoire, comment l'actualité internationale s'est inventée? Le site RetroNews de la Bibliothèque nationale de France publie un article édifiant sur l'invention de ces pages internationales qui nous passionnent depuis le 19e siècle. L'histoire d'un goût pour les guerres lointaines, mais pas seulement, c'est une histoire de la dilatation de l'espace public européen. Demandez France Soir, Paris Presse, Le Monde. Demandez Le Figaro littéraire. Marie-Claire. Delphine Diaz et Renaud Meltz, historiens, font le récit de la révolution de la presse dans les années 1830. Une diffusion d'ampleur inédite de l'actualité et des opinions publiques qui s'accompagne d'un passage obligatoire par une rubrique étranger pour atteindre la centaine de milliers d'abonnés qui fait rêver notre presse contemporaine. Distribué partout, jusqu'au bain public, en passant par les salons de coiffure, les bateaux à vapeur et les cafés, les journaux délivrent avec application les nouvelles étrangères. Une presse nationale qui s'accompagne de celle des étrangers de Paris, qu'elles soient allemandes, belges, suisses, polonaises, britanniques, danoises ou bien encore russes. La France est un carrefour européen avec le Royaume-Uni et un précipité des expériences du monde qui y passe, qui s'y réfugie, qui s'y installe et se font connaître en créant des titres qui signalent leur présence et leur actualité aux yeux d'une Europe friande de géopolitique. Les auteurs de l'article évoquent la construction d'une culture médiatique transnationale. Va, pleure pas ! Lève-la ton canard ! Ah là là, vous savez ces gens-là, hein ? Ils sont impatients. Voilà, le v'là. Sensationnel, voilà France Soir. Qu'est-ce qu'il faut pas faire ici, alors? Avec cette effervescence, s'inventent des métiers comme celui de correspondant de presse. Pendant son exil à Londres, à titre d'exemple, dans les années 1850, Karl Marx délivre des articles pour six titres différents, de l'Autriche aux États-Unis, en passant par l'Afrique du Sud. La réception est enthousiaste, le public réclame des nouvelles du monde. On lit, on se fait lire, on s'abonne aux titres étrangers. L'intérêt est acquis et les idées et les informations circulent au gré des législations à la libéralité variable qui se succèdent à un rythme échevelé tout au long du siècle. Demandez France Soir, Paris Presse, Le Monde. Demandez Le Figaro littéraire. Demandez Marie-Claire. Allez, ça remet ça. Dans l'histoire de ce goût pour l'actualité internationale, trois temps forts s'avèrent décisifs. La guerre de sécession américaine, la guerre de Crimée et la guerre franco-prussienne dont on célèbre l'anniversaire cette année. Les reporters de guerre prennent bonne place dans les colonnes imprimées pour décrire ces conflits plus ou moins exotiques. La constitution des agences de presse parachève ce paysage médiatique dont nous sommes les héritiers aujourd'hui et propose bientôt, avec une efficacité redoutable, une couverture mondiale de l'actualité, mais une uniformisation progressive de l'information décriée dès la fin du 19e siècle. Merci Anaïs. Et pour retrouver toutes ces informations, tous les liens, il y a RetroNews, mais il y a également la page du journal de l'histoire, c'est sur franceculture.fr. Daniel Tartakovsky, vous nous avez fait, et je vous en remercie, un regard comparatiste sur l'histoire de la manifestation. Regardez ce qui se passe dans les autres pays. L'image de ces manifestations, de ce que l'on voit, est également l'image du pays. Il y a un souci d'image politique avec la manifestation. Il est très important. C'est pas simplement tenir la rue et canaliser des manifestants, une manifestation. Ça l'est indéniablement devenu. Ça n'était pas le cas en 1934. Ça serait très intéressant de voir comment la presse étrangère a rendu compte du 6 février 1934. J'avoue, je ne le sais pas. Mais il est bien évident que c'est qu'aujourd'hui, ce phénomène de 60 avec la télévision, mais beaucoup plus avec les réseaux sociaux, que la question de l'image produite est importante. Rappelons-nous quand même que j'évoquais le rôle du Conseil d'État. Du Conseil constitutionnel, pardon, dans la reconnaissance du caractère quasi-constitutionnel de la manifestation, mais cette reconnaissance s'est opérée par le biais des institutions européennes. Donc aujourd'hui, nous sommes bien dans un espace public qui est un espace public mondialisé et où on ne saurait impunément se maintenir l'ordre dans des formes qui apparaissent aujourd'hui comme non démocratiques aux instances les plus honorables à l'échelle de la planète. Voilà, c'est doucement dit, c'est joliment dit, mais c'est vrai que c'est un rappel, et simplement un rappel avec un regard qui nous dépasse, mais qui porte le regard des autres sur nous-mêmes, et notamment celui des institutions européennes, voire au-dessus. Merci encore à vous, Daniel Tartakovsky. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Camille André, Aurore Juvenel, à la programmation Amélie Perrault. Des émissions à réécouter sur le site internet le cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en balado diffusion le podcast. Demain, mais que fait la police avec Arnaud Hout et Jean-Claude Monod, une réflexion sur la police où nous ferons intervenir évidemment Foucault, mais oui, surveiller et punir. Je vous rappelle que le mardi 25 février à 20h au studio 104 de la Maison de la Radio, il y a le chat de Georges Simenon, une fiction en public, coproduction France Culture, Comédie Française. C'est une adaptation de Pierre Assouline. Et nous nous retrouvons demain dans la rue, non, sur France Culture.